Le prénom du jeune homme va être Robert. Non, pas de discussion. C'est décidé. Pourquoi? D'abord, parce que c'est un prénom à la fois français et américain. C'est un prénom français et c'est aussi un prénom américain. Et puis, il n'est pas facile à prononcer non plus. Le prénom du jeune homme va être Robert. Le prénom du jeune homme va être Robert. Le prénom du jeune homme va être Robert. Parce que c'est un prénom à la fois français et américain. C'est un prénom à la fois français et américain. À la fois. À la fois. À la fois français et américain. À la fois français et américain. C'est un prénom à la fois français et américain. Robert, c'est un prénom français ou américain? C'est un prénom à la fois français et américain. Bon, maintenant, les deux jeunes gens de l'histoire ont un prénom. Le prénom de la jeune fille est Ethel. Non, ce n'est pas Ethel, c'est Mireille. Bon, Mireille, si vous voulez. Et le prénom du jeune homme est Robert. Non, Robert. Bon, maintenant, les deux jeunes gens de l'histoire ont un prénom. Maintenant, les deux jeunes gens ont un prénom. Les deux jeunes gens ont un prénom.